Exprime à lui ta gratitude. Quelqu'un veut parler au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. L'Éternel, il est présent au milieu de nous. Exprime-lui ta gratitude. Réitère tes requêtes devant lui. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Éternel. Merci Yahweh. Nous t'aimons notre Dieu. Je t'aime mon Père. Je t'aime mon Rédempteur. Je t'aime mon Consolateur. Je t'adore Yahweh. Tu es adorable mystère, adorable mystère, adorable mystère. Tu es adorable, tu es adorable, tu es adorable. Adorable mystère. Le mystère caché depuis des siècles. C'est toi Yahweh Dieu. Pas de commencement ni de fin. Tu es l'ancien des jours. Écoute les cris de ton fils et de ta fille. Exauce le Seigneur. Exauce le Seigneur. Exauce-nous en tant qu'église. Nous sommes dans ta présence. C'est comme Yamashita. Sente rega baba to purita che seria Kamaya bon chante la garede. Tu es le Dieu qui exauce par des interventions redoutables. Oh alléluia. Nous t'aimons Seigneur. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes devant ta parole. Merci car c'est toi qui as dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes venus Seigneur. Nous sommes là pour ça. Donne du repos à quelqu'un ce matin. Parle à nos cœurs Seigneur et atteins tes objectifs. Dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu peux m'aider à accueillir le voisin. Dis-lui que nous sommes au 9e jour du tournant décisif. Alors, Ujikaze. Ujikaze. Alléluia. Ujikaze. Nous serons là jusqu'au 30e jour. Amen. J'espère qu'il y a des bien-aimés qui prient de manière authentique et qui jeûnent de manière authentique. N'est-ce pas? Vérifie si c'est les voisins dont je parle. Est-ce que tu jeûnes de manière authentique? Vérifie si c'est lui. Tu es authentique dans le programme. Alléluia. Alors, Dieu est en ces lieux. Le Dieu dont tu as souvent entendu parler, que tu as lu dans des livres, que tu as entendu à gauche, à droite, il est là, au milieu de nous. Et il est là totalement. Et donc, un cœur qui est ouvert va le trouver. Un cœur qui est disposé va les rencontrer. Alléluia. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne rentres pas comme tu es venu. Il faut qu'un mystère se produise dans ta vie. Nous en avons tous besoin. Depuis la nuit de l'Esprit, nous avons prié. Et nous avons appris qu'il faut prier long et profond. Et quelqu'un a déjà commencé à s'exercer. Je bénis le Seigneur pour les intercesseurs qui sont en train de prier de 23h à 6h du matin. Alléluia. Que Dieu les bénisse et les récompense. Quelquefois à 2h, tu les temps en train de prier sérieusement, à 3h, à 4h, à 5h, ils sont là. Pendant ce temps, certains nous dormons, n'est-ce pas? Et nous attendons les réponses. Tombe à que couler. Bon, il est temps que chacun de nous, bien-aimés, se plonge dans la prière. Dis au voisin, tu dois te plonger dans la prière. Et prier long et profond. Il y a des retombées énormes que Dieu nous réserve à partir de cette recherche de Dieu de tout cœur. Amen. Qui n'ont pas eu la grâce d'être là au courant de la semaine? Toute la semaine, tu n'étais pas là. Levez bien la main, pas comme ça. Levez bien la main. Hey. Vous êtes nombreux. Hein? Alors, avant de partir, il faut prendre les audios chez les médias, demander aux médias. Parce que vous avez raté des bonnes choses. Enfin, c'est pas tard. Vous pouvez les récupérer par audio. Alléluia. Nous avons commencé de parler depuis le vendredi antérieur de notre thème « Quand Dieu vous établit ». Trois points de suspension. « Quand Dieu vous établit ». Et nous avons vu par les Écritures que Dieu a toujours opéré par le mode établissement afin de s'assurer de la redevabilité face à l'objectif et au but qu'il se fixe sur une personne. Dieu ne jette pas juste les gens dans la nature pour dire allez-y. Mais Dieu, il établit les uns et les autres afin que ces personnes soient redevables quant au résultat du but ou de la mission que Dieu leur a assigné. Et nous avons vu dans la suite que les gens qui habituellement sont devenus efficaces dans l'établissement, ce sont les gens qui se sont exercés à être des intercesseurs de Sion. Intercesseurs de Sion qui prient comme dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Et c'est là que nous avons appris parmi plusieurs vérités qu'il fallait prier long et profond, comme Jésus à Gethsémané, comme Élie à la montagne pour ramener la pluie, et comme tant d'autres serviteurs de Dieu, Esdras, Néhémie et les autres. Alléluia. Alléluia. Ensuite, nous avons commencé de parler le lundi des dimanches la puissance de la prière, de la puissance de l'établissement, de la puissance derrière l'établissement. Et nous avons vu plusieurs choses là-dedans. Et ensuite, nous avons parlé du mystère qui est derrière cette puissance-là. Quels sont les mystères qui rendent possible la manifestation en question de la puissance? Et nous avons abordé le deuxième chapitre, les piliers de l'établissement. Et là-dedans, nous avons partagé sur quatre piliers, le premier étant la connaissance du Dieu qui nous établit, le second étant s'exercer à devenir un homme, une femme de qualité, être une personne de qualité. Le troisième pilier, s'exercer à respecter les clauses de ton établissement. Et le quatrième pilier que nous avons partagé depuis hier, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons vu que les trois premiers piliers sont essentiellement du ressort de l'homme. C'est la part de l'homme. C'est nous qui sommes concernés par ces piliers. Dieu n'a pas besoin de connaître Dieu. Ça va? Dieu n'a pas besoin d'être un Dieu de bonne qualité. Il est. Dieu n'a pas besoin de s'exercer à respecter les clauses. Il les respecte depuis le commencement. Je vous ai dit en 2015, quand nous avons parlé de Dieu vous visitera, nous avons enseigné sur Dieu. Nous avons dit que Dieu, dans ses attributs, il ressort que si un seul instant, Dieu cesse d'être fidèle, un seul instant, Dieu cesse d'être fidèle, l'univers s'écroule parce que le soleil ne va plus passer à sa place, la lune va passer ailleurs. Est-ce que vous me captez? Et toi qui respirais dans les nez, tu vas commencer à respirer dans la bouche ou dans les oreilles. Il suffit que Dieu cesse d'être ce qu'il est. C'est fini. Tout se casse, tout s'écroule. C'est fini. Il est immuable dans son essence. C'est-à-dire, il ne change pas. Il est Dieu dans sa divinité. Et donc, lui n'a pas besoin de ces trois piliers. Alléluia. Mais nous, nous en avons besoin. Pour, en soi, on dirait Kujipanga Sawasawa, pour nous mettre en forme, afin que Dieu interagisse avec nous. Alléluia. Mais le quatrième pilier, c'est quelque chose de pertinent et de percutant parce que sans le quatrième pilier, rien ne se passera. En fait, nous risquons de naviguer comme juste des êtres humains limités, des êtres humains faibles, des êtres humains qui peuvent être écrasés à tout moment par n'importe quoi. Mais l'onction du Saint-Esprit fait toute la différence. Mais Dieu prend soin de préparer l'homme à établir afin que cet homme-là ne puisse pas gâcher la provision. Il est écrit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des pères qui les foulent aux pieds et ne viennent vous détruire. Dieu lui-même ne jette pas ses perles devant les hommes et les femmes qui se comportent comme des pourceaux. Il est écrit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et donc, Dieu doit nous préparer pour nous établir. Dieu doit nous préparer pour nous oindre. Et c'est ce que nous observons dans l'Évangile, plutôt dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Dieu travaille avec les apôtres pendant 3 ans et demi. Ils sont en formation, au pied du maître. Il les instruit, il les enseigne, il les guide, il les montre les chemins. Il leur montre comment ils doivent fonctionner. Il leur enseigne à connaître Dieu. C'est là que vous apprenez Jésus en train de leur dire, « Moi et le Père, nous sommes un. » Thomas dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Il dit, hey, « on est ensemble là, tu ne m'as pas vu. » Pierre, Thomas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu prend 3 ans et demi pour travailler sur les 3 piliers. Et lorsqu'il a fini de travailler sur ces piliers, les apôtres se sont exercés à être disciplinés. Ils se sont exercés à s'attacher aux choses importantes. Ils ont exercé leur cœur à être attentifs. Et finalement, il leur dit, Actes chapitre 1, verset 4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Mais attendez l'accomplissement, la promesse. Ce que je vous avais dit, que le Père vous enverra. Attendez. Et les apôtres et les disciples entrèrent dans la chambre haute, commencèrent à prier. Ils prièrent long et profond pendant 40 jours. 40 jours. Pendant 40 jours. Ils attendaient que l'accomplissement, la promesse arrive. Oh Dieu, je ne sais pas y prier quoi. Nous avons vu au courant de la semaine que Jésus à Gethsémané a prié long et profond, presque 3 fois, pendant 1 heure, en demandant la même chose. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. On peut prier pendant 3 heures, une seule prière, oui. Parce qu'on s'est exercé à prier jusqu'à obtenir ce qu'on demande. J'aimerais encourager mon frère, ma soeur et toi qui me suis dans ton appareil ou à la maison. Le temps est venu pour que les chrétiens d'aujourd'hui s'exercent à prier pour revenir avec des réponses. Nous sommes déjà trop bernés par une forme de christianisme, un christianisme de détente, un christianisme relax. On prie Dieu et on dit Seigneur, kutenda ni kwako na kuomba ni kwangu mapenzi yako yafanyike, je m'en vais et on part. Les chrétiens maintenant, nous allons devant Dieu comme si nous allons juste l'informer. Ou lui raconter quelque chose et repartir tout de suite. Même quand il y a un grand problème, sont rares les gens qui restent devant le trône et qui invoquent l'Éternel et qui disent Seigneur, tu me donnes l'enfant ou rien. Des hommes et des femmes qui rentrent à l'église après la prière, comme Anne. Pendant que les autres ont commencé à fêter, ils ont fini les cérémonies. Ils ont fini la prière. Ils ont fini de donner les offrandes de sacrifice. C'est fini. Anne rentre à l'église. Elle est dans un coin en train de dire, mon Dieu, je n'ai pas d'enfant. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus relaxés. Dieu est comme quelqu'un qui est quelque part, on s'en fout, on lui parle, et quand on revient, on lui donne des injonctions. Dieu, tu as vu, je t'ai parlé, ça fait 1 mois, dans le tournant décisif passé, Et puis maintenant, là, c'est la même requête, il ne m'a pas répondu. Comment avais-tu prié au tournant passé? Tu priais comment? Tu as vraiment prié? Y a-t-il quelqu'un qui prie? Pourtant, Dieu désire nous avoir. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, je te bénirai à l'infini. Ah. Tu peux même bénir à l'infini, Dieu? Il dit oui, mais moi je te demande juste une guérison de cette maladie-là. Et ça ne vient pas. Et toi, tu dis que tu peux bénir à l'infini, mais ça devrait disparaître. Ça, c'est rien. Oui, c'est rien. Mais qui est en train de prier? Qui prie vraiment? Qui prie vraiment? Nous offrons à Dieu des prières flash. Et nous repartons. Même à pleine prière, nos pensées naviguent. On se souvient de la vidéo qu'on vient de lire dans le WhatsApp. En pleine prière, on a le téléphone tout prêt pour vérifier s'il n'y a pas un message qui entre. Et que ça en, on a tchin tchin. Allez à l'église. On est là, on ouvre en cachette et le voisin voit. Tu pries. Ton cœur est à la prière. Alléluia. Alléluia. À l'église primitive, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, nous commémorons la Pentecôte. Et il y a un panier, comme annoncé, qui va être là pour l'offrande de Pentecôte que nous allons envoyer dans notre direction nationale, de notre communauté, les assemblées de Dieu à Kinshasa. Il n'en était pas ainsi. Les gens priaient, ils ont fait 40 jours pour attendre l'accomplissement de la promesse. Et l'accomplissement de la promesse est arrivé effectivement. Ils l'ont vécu. Alléluia. Alors Jésus-Christ, après qu'il ait fini de préparer les disciples, leur dit, allez dans la chambre haute, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Les 40e jour, le Saint-Esprit descend. Jésus leur a dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et cette promesse s'accomplit ce jour-là. Les paroles de la bouche de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu t'a dit, écoute-moi frère, ce que Dieu t'a déjà dit, je dis bien, ce que Dieu t'a déjà dit, je ne dis pas ce que tu t'es déjà dit. Hein. Il y a des choses que nous disons et nous balançons ça chez Dieu. Seigneur, tu as dit, il dit non, je n'ai pas dit, c'est toi qui avais dit. Mais ce que Dieu a dit, il est écrit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Nous avons nos textes de base à l'écran, vous pouvez les noter. Pour gagner le temps, on ne va pas tout lire. Mais nous voyons, frères et sœurs, dans Actes chapitre 2, verset 39, alors que la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, Pierre dit à l'assemblée, à ces foules qui étaient venues à Jérusalem, il leur dit, la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur les appellera. Autrement dit. Personne ne sera de trop devant l'onction. Dites au voisin, tu n'es pas de trop. Tu es sur la liste. Alléluia. Quelquefois, nous venons devant Dieu comme des gens qui se... quand on était enfant, on disait, « Ikona jipere, ikona jiletale tamubiabatu. » Vous voyez ça? Quelquefois, nous venons devant Dieu comme si nous, on n'a pas droit. Lisez bien cette promesse. « En aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. » En aussi grand nombre. Personne n'est de trop devant la table de Dieu pour manger. Il est écrit, quiconque a-t-il soif, qu'il vienne aux eaux. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et il ajoute, venez acheter sans argent. Donc même quand il n'a pas d'argent, même quand il n'a pas d'offrande à donner aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Achète sans argent. Et les autres qui vont donner l'offrande n'auront pas acheté l'onction. L'offrande, c'est autre chose, c'est une communication. Ils auront dit quelque chose à Dieu. Toi aussi, tu vas dire quelque chose à Dieu demain. Quand tu auras l'offrande à donner. Offrande ou pas offrande, la promesse est pour vous. Pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, même en Mauritanie, en aussi grand nombre que le Père les appellera. En aussi grand nombre. Alléluia. Et ils eurent les cœurs vivement touchés. Vous connaissez l'histoire. Et ils se dirent, hommes, frères, que ferons-nous? Quelqu'un devrait avoir le cœur vivement touché parce qu'il y a un pas à franchir avant d'arriver à la table. N'est-ce pas qu'on se lave les mains avant d'aller à table? N'est-ce pas? Et pour l'onction aussi, on se lave les mains. On se lave. Nous avons vu dans Exode. Lorsque Dieu dit à Moïse de oindre Aaron et les autres comme sacrificateurs, la consigne que Dieu donne, il dit, tu laveras Aaron et ses fils. Et Moïse les lava. Ensuite, il les oint après les avoir lavés. Laver, c'est aussi l'essence des trois premiers piliers. S'exercer à connaître Dieu, devenir une bonne personne et puis s'exercer à respecter les principes. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que le message passe? Alors, regardez. Pendant que ils avancent. La Pentecôte est déjà là. Il est écrit au verset 1er du chapitre 2. Pendant qu'ils priaient, tout à coup, il y eut un vent impétueux qui remplit la maison ce jour-là. Et ils furent tous rempli du Saint-Esprit. J'aime cette phrase. Si tu as ça dans ta Bible, hein, souligne ça. S'il n'y en a pas, tu laisses. Mais si c'est dans ta Bible, tu soulignes ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. C'est-à-dire sans exception. C'est-à-dire, le stock ne s'est pas épuisé avant que 119e personne soit loin. Le stock était suffisant avant que la 120e personne soit loin. Non, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut remplir tous du Saint-Esprit. Il y a suffisamment de provisions. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. Alléluia. Ils furent tous Dis encore à ton voisin, mon frère, tu n'es pas de trop ce matin. Tu n'es pas de trop ce matin. Tu es concerné. Dis-lui aussi, tu es sur la liste. Alléluia. Vous savez, quand la table est prête, tout le monde peut ne pas manger. Celui qui ne veut pas ne mangera pas. Mais celui qui veut va manger. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux, tu seras loin ce matin. Si tu veux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler à d'autres langues. Acte 2:4. Maintenant, voici les manifestations qui surgissent. L'homme de Dieu, Samuel, a dit au jeune homme Saül qui devenait roi, il lui dit, quand tous ces signes, dans 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7, quand ces signes deviendront une réalité pour toi, et quand l'Esprit descendra sur toi, tu seras changé en un autre homme. Quelqu'un ce matin va être changé en un autre homme. Il lui a dit aussi, au verset 7, et quand tous ces signes seront une réalité, alors fais tout ce que ton cœur trouve à faire, car Dieu est avec toi. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, quand tu seras loin du Saint-Esprit, alors fais tout ce que ton cœur trouve à faire, car Dieu est avec toi. Quel privilège que d'avoir Dieu avec moi. Mais qu'est-ce qui provoque l'arrivée du Dieu avec moi? L'onction. N'as-tu pas besoin de Dieu? N'est-ce pas que tu languis après Dieu? N'est-ce pas que tu soupires après Dieu? Voici le chemin ce matin. Hein? Sois rempli, sois loin du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit engage Dieu envers nous. Nous avons parlé de cela hier. Quand tu es loin, il est écrit dans Philippiens, Dieu aime jusqu'à la jalousie. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu aime jusqu'à la jalousie. On pourrait le paraphraser en disant, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'onction qu'il a placée sur toi. Dès l'instant où Dieu place son onction sur toi, il y a quelque chose en toi qui ne doit pas rater, que Dieu aime fort et qui va pousser Dieu à s'engager envers toi. À s'engager envers toi. Alléluia. Voici les manifestations et les retombées. Après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, regardez. Pierre prêche. Et ce jour-là, 3000 âmes se convertissent. 3000. Quelquefois, nous nous contentons des miettes, alors que le Saint-Esprit peut faire plus. Je crois que Dieu a décidé de donner le ton pour cette phase de propagation de la bonne nouvelle. Il donne le ton. Il dit, la première action que l'Église va faire, il faut qu'il y ait abondance de résultats. 3000. Afin que ceux qui vont venir après comprennent que je suis capable de donner de l'abondance, même dans le ministère. Je suis capable d'abondance dans ton ministère. Je suis capable d'abondance dans ta vie. Je suis capable d'abondance. Je suis le Dieu de l'abondance. 3000 convertis ce jour-là. Et quand ils sont convertis, l'onction provoque la phase d'approfondissement. Quand vous regardez dans 2:41 suivant, la phase d'approfondissement, alléluia, Il est écrit, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la faction du Père et dans les prières. C'est le temps de l'approfondissement. Frères et sœurs, le fait de recevoir l'onction ne te dispense pas de l'approfondissement. Lorsque nous sommes loin, c'est alors que nous sommes. Il est écrit dans Juges chapitre 14, les jeunes Samson, après avoir obtenu l'onction, l'esprit commença à l'agiter. L'onction ne te laisse pas passif, tranquille. L'onction active. L'onction produit du feu. Jean-Baptiste dit, celui qui vient, il vous baptisera d'esprit et de feu. L'onction apporte du feu. Les gens qui étaient tremblants, timides, les gens qui étaient peureux comme Pierre, après qu'ils étaient au loin, ils se lèvent. Je ne sais pas s'il a pris un fût ce jour de la Pentecôte, s'il est monté sur une chaise et il commença à parler aux foules. Il dit, hommes frères, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres comme certains sont en train de le dire, mais c'est la promesse que l'Éternel a donné depuis Joël, dans Joël 2:28, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ça que nous vivons ici. Pierre, hier tu as fui. Pierre, hier tu as renié Jésus. Hier, Pierre, toi tu peux parler. Il dit, oui, je parle maintenant. Je suis loin déjà. Tu n'as jamais réussi à gagner une seule âme. Ce matin, tu seras loin et tu vas commencer à gagner les âmes. Il y a des défis qui te paralysent parce que tu n'étais pas encore loin. Ce matin, tu seras loin. Et ces défis-là vont être paralysés à ton approche. Alléluia. Alléluia. Pierre dit, dans Actes 2, 8 à 12 à 11, il dit, les temps de rafraîchissement sont arrivés. Les temps de fraîcheur. Vous savez, quand l'onction vient, quand la Pentecôte arrive, la Pentecôte apporte les temps de rafraîchissement. C'est une saison, c'est un temps que Dieu ouvre, un temps de rafraîchissement, un temps de fraîcheur. Les cœurs qui étaient frustrés, chiffonnés, détresse, c'est de nous. Celui qui pleurait, essuie les larmes. Celui qui était agité obtient le shalom. Le rafraîchissement est arrivé. Pierre le dit, les temps de rafraîchissement sont venus et sont arrivés. J'annonce à quelqu'un que le temps de rafraîchissement de l'Éternel dans ta vie est arrivé. Ne rentre pas en laissant ça ici. Rentre avec. Tes amis vont s'étonner dans les quartiers. Alors qu'hier, tu boxais tout le monde. Hier, les voisins savaient qu'il faut respecter ce voisin-là. Il est dangereux. Il ne faut pas parler là où il est. Tes enfants savaient que quand ils arrivent à la maison, ils doivent aller en chambre. Parce que shérif vient d'arriver. Où les lions de la tribu de Juda viennent d'arriver. Quel que soit le manteau dans lequel tu peux mettre cette bassesse, eh bien sache que si tu rencontres l'onction, les enfants vont s'étonner aujourd'hui, tout à l'heure. Ils vont se dire, hey, papa n'a changé. Et l'un des enfants viendra s'asseoir sur ta cuisse et il va t'embrasser. Hier, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Déjà, quand tu entres dans la clôture et la parcelle, chacun constate que, ah, pas, qu'il a mouto à Jisaïdi. Qu'il a mouto à Jisaïdi, ah, pas. Amusé à mes filles, danger mes filles. Comment tu es devenu un danger pour ta propre famille? Mais l'onction ramène les temps de rafraîchissement. Rafraîchissement. Même ta femme a peur de toi. Il y a des femmes qui font peur à leur mari. Tu terrorises tout le monde à la maison. Maman est chassée, maman est chassée. Et quand tu as parlé, le mari doit se taire. Inversion de valeur. Et tu es fier. Les gars là, il va partir un jour. Alléluia. Le temps de rafraîchissement est arrivé avec l'onction, avec la Pentecôte. Ne rate pas ça. Et ce rafraîchissement ne vient pas seulement dans notre âme. Jésus a dit dans Ésaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur est brisé, le temps de rafraîchissement vient avec l'onction. Recherche l'onction, tu vas te retrouver boosté, renouvelé. Tu vas renaître. Quelqu'un doit renaître. Alléluia. Quelqu'un doit revivre. À partir de ce matin, tu dois revivre. Je parle des manifestations de la Pentecôte. Nous voyons l'expérience de Pierre, Ouin, acte 3-6. À la porte la belle, le paralytique. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as eu où ça, ce que tu as là, que tu veux donner au paralytique? Tu as eu ça où? Le jour de la Pentecôte. Écoutez, en recevant l'onction, tu reçois la guérison de quelqu'un. Ne sois pas chiche et égoïste pour partir avec la guérison de quelqu'un et ne jamais la lui donner. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il est écrit, il lui saisit les mains et les leva. J'imagine que ses pieds ont craqué. Crac. Et le monsieur a senti qu'il est guéri. La Bible dit la suite, c'est quoi? Sautant, bondissant, chantant, louant Dieu, il entra dans le temple. Et ce jour-là, la liturgie, le programme du culte a changé. Je crois que ça a changé à une célébration seulement. On va louer Dieu aujourd'hui, Natosha. Il est possible que prochainement, Dieu fasse quelque chose dans ta vie à cause de l'onction, que ce jour-là, on ne va pas prêcher, on va juste louer. Nous attendons ces choses. Ton cancer parti, tu viens ici, nous célébrons Dieu, on ne prêche pas. Tunabiacha. Parce que ça sera déjà une prédication suffisante. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a des choses que l'onction apporte. Ces choses sont à la porte. Ces choses te frappent à la porte. L'onction frappe à ta porte. L'onction te dit, je suis déjà là. La table est prête. Que celui qui a faim vienne et qu'il achète sans argent. Sans argent. Ce n'était pas tout. Alléluia. Alléluia. Dans Actes 3, 18 à 22, vous voyez, les temps de rafraîchissement arrivés. Dans Actes 4, 4, il y a 5000 âmes qui se convertissent. Dans Actes 5, 12, beaucoup des miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les apôtres. Ouin. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les apôtres. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des miracles? Nous avons été loin. On a fait 40 jours dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est arrivé, la Pentecôte est descendue. Nous avons été loin du Saint-Esprit. Et donc, les miracles font partie de nous maintenant. Nous sommes des transporteurs des miracles. Regardez le verset 16. Buona si fiwe. On peut lire le verset 16 ensemble. Regardez ça. Est-ce que vous avez vu ça? 1, 2, 3. La multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, amenant des malades au pluriel et des gens tourmentés par les esprits impurs au pluriel, et tous étaient guéris. De même que dans la chambre haute, tous furent remplis du Saint-Esprit, de même que dans cette salle-là, là, où nous sommes là. Tous doivent être remplis du Saint-Esprit. Mais ça ne fut pas la fin. Même quand les miracles venaient pour tous. Et tous étaient guéris. Tous. Toi qui me suis dans les médias, tu fais partie de l'équipe. Tous furent guéris. Et s'il y a un problème dans ton corps, je commande à ce problème de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Tous, même ceux qui étaient tourmentés par les démons, ils furent tous guéris. Personne n'était de trop devant les apôtres. Personne n'est venu en retard. Et quand il arrive, je viens d'arriver, on a amené un paralytique ou un malade. Et puis il dit, les apôtres lui disent, « Onkje meisha, rudia. » Vous avez vu ça là-dedans? Tous étaient guéris. Écoutez-moi, mes frères. Lorsque je vous parle de ces choses, dans ces thèmes, quand Dieu t'établit, c'est pour nous amener justement à comprendre cela et à intégrer cela, à vivre cela. Parce que désormais, ça fera partie de votre vie. Ce sera notre vie quotidienne. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il t'établit pour que tu vives ça. Mais le quatrième pilier, onction du Saint-Esprit, pour que le flot commence à couler. Le flot. Qu'importe le domaine dans lequel tu te trouves, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais l'onction n'est pas destinée seulement au ministère. L'onction est destinée à tout. Tout établissement nécessite l'onction. Chaque établissement que Dieu opère dans la vie d'un homme et d'une femme demande de l'onction. Alléluia. Et tous étaient guéris. Quel était le mystère derrière tous ces phénomènes que les apôtres vivent? Or, dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà un peu donné la lueur, une sorte d'explication détaillée du mystère derrière l'onction. Psaume 89, versets 21 à 38, prenez cela dans votre Bible et nous allons le lire ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là. Quelqu'un peut se lever, nous allons lire debout. Nous allons lire debout. Vérifie que le voisin est déjà debout. Tu as vérifié. Il y a un voisin debout. Alléluia. J'essaie de vous expliquer ceci, mes frères. Quand on voit quelqu'un vivre les miracles, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais dans ce texte, Dieu nous ouvre la page pour nous révéler ce qui se passe en réalité de la part de l'Éternel. Les hommes seront en train de prendre juste des initiatives et d'agir. Nous poserons des actes après être oints. Et nous allons voir des choses arriver. Tu poses tel acte, il y a la main de Dieu. On dira simplement, en résumé, c'est la main de Dieu, c'est la grâce. Mais Dieu explicite ce qui se cache derrière ce que l'on appelle la main de Dieu. Oh, nini litokea, mukono wa Mungu. Mukono wa Mungu enyo njo nini basi. Oh, ni neema ya Mungu njo ilifanyika pale. Neema yenyewe njo aye. Ce texte nous révèle les mystères derrière la Pentecôte. Alléluia. Alors, vous êtes prêts? Et quand nous lisons avec nos cœurs profondément. Allons-y. J'ai trouvé David, mon serviteur. Regardez d'abord ça. En fait, pour expérimenter la Pentecôte, il faut être dans le service en quelque chose. J'ai trouvé David. À la vallée de l'homme de la mort? Non. J'ai trouvé David où? Dans ses biachara? Non. Mon serviteur. C'est-à-dire, il a été préparé dans les trois piliers et il est devenu serviteur. Il a compris que même ses affaires sont dans le compte de l'Éternel. Il a trouvé et compris que son poste de directeur national, son poste de ministre de quoi que ce soit, c'est dans le compte, c'est un ministère, c'est dans le compte, ça vient de Dieu. Il a compris que c'est ça la réalité. Dès que tu comprends et tu t'inscris dans cela. Beaucoup de gens ont compris, mais ne se sont pas inscrits dans la logique de Dieu. C'est pourquoi même certaines personnes, vous voyez, ils n'arrivent pas à donner à Dieu parce qu'ils pensent que leur argent, c'est pour eux. Vous pensez que c'est pour vous. Vous n'avez pas encore été en mesure de revenir dans les mains de Dieu. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face ici. Marche là où je regarde. Mais quand je marche là où Dieu regarde, avec de l'argent, l'argent là devient pour qui? C'est pour Dieu. Marche devant ma face, avec ma famille. En tant que papa, en tant que maman, j'ai été établi papa, établi maman, je marche devant la face. Et je deviens serviteur de l'Éternel. Et quand je suis là, j'ai trouvé David, mon serviteur. Et j'ai fait quoi? Je l'ai oint de mon huile sainte. Ok. Je l'ai oint de mon huile sainte. Après l'onction, qu'est-ce qui se passe? David, on te voit abattre Goliath. On te voit dans des choses. On te voit dans des mystères. Qu'est-ce que c'est que ces mystères? Voici d'où venaient les mystères. Pierre, on te voit en train de soulever un monsieur qui est paralytique et puis ça marche. On voit des gens venir des villages voisins et puis ils guérissent tous. Quel est le mystère là-dedans? Voici le secret. On peut y aller. Si tu as Tobique, tu soulignes en même temps ce que l'Esprit te révèle immédiatement. On y va. On reprend 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. En conséquence, ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Je j'écraserai, aïe, devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai ma main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'évoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de tous les rois de toute la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance. Lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes commandements, s'ils voient et violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai par ma sainteté. Dieu dit, pour l'onction, tu jures même. Bandoukou, pour l'onction, Dieu jure. Dès qu'il a mis son onction sur toi, il jure. Mais il jure par quoi? Pas comme ça avec les doigts dans le cou. Hein? Il dit, j'ai juré par ma sainteté. Aïe. Ça dit, je mets ma sainteté au défi. Si je ne vais pas vous accomplir ce que je vous dis. Dieu, mais c'est grave. Est-ce que tu n'es pas en train de commettre une erreur? Parce que nous sommes des infidèles là. Il dit, j'ai juré par ma sainteté. De faire quoi? J'ai juré de faire quoi? Je ne mentirai pas à David. Je le jure. L'Éternel, tu jures? Pour quelle affaire? L'affaire de l'onction. L'affaire de l'onction. Tu jures? Oui, parce que c'est capital. Oui, parce que quand je donne l'onction à un être humain, hein, l'objectif que j'ai fixé sur son existence entre en marche. Ça décolle. La phase de la propagation de l'évangile commence. Quand je mets quelqu'un sur le rail de sa destinée, ça marche. Je mets l'onction sur lui, c'est parti. La destinée de quelqu'un est en train de décoller ce matin. Alléluia. Alléluia. J'ai juré par ma sainteté. Mentirais à David. Ça, c'est un ami et mon goût. C'est un ami où j'irai jouer. Quelqu'un pouvait dire ça à Dieu ce matin. Dit mon goût. Comme on a juré. N'a mis si tu as coup de décevoir. Moi aussi, je ne vais pas te décevoir. Je jure moi aussi. Est-ce que quelqu'un peut jurer ce matin? Seigneur, donne-moi l'onction en question. Je ne vais pas te trahir aussi. Comme tu jures, moi aussi je jure. Ah. Mentirai-je à David? Je jure par ma sainteté. Verset 37. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. La question c'est maintenant, oh Dieu, que faire face à cette aubaine de puissance, de provision spirituelle, cette aubaine d'autorité, de capacité, de grâce. Comment je dois faire pour aller à table? Quelqu'un nous révèle ce qu'il faut faire. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 1 et suivant, c'est ce jeune homme qu'on appelle Élisée. Il a découvert que Élie est en train de partir au ciel. Il va être enlevé. Il dit, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure qu'il ne faut pas rater. Il accompagne son maître, son père, qui lui dit, reste ici. Dieu m'envoie à Gilgal. Le petit dit, ton âme est vivante, mon âme est vivante, je ne te laisse pas. Jusqu'à 3-4 endroits. Et Élie se rend compte que le petit a compris la leçon. Il a compris. Le petit a compris. Qu'est-ce que je fais avec lui? Comment je vais lui échapper? Le petit dit, tu ne m'échappes pas. Je crois que si ce voyage a fait 2 jours, Élisée n'a pas dormi la nuit. Pour que le vieux n'échappe pas. Je veux l'onction. Je veux. Ça ne doit pas rater. Alors le vieux lui pose la question. Ok, d'accord, je suis d'accord, je comprends. Tu as grandi. Ok, c'est bon. Ok, demande ce que tu veux. C'est quoi les petits regards? Il dit, ah, pas ça, ça. Je demande quoi? Pas le manteau. Il n'a pas demandé le manteau. Élisée, il n'a pas demandé les champs d'Élie, là où on cultivait les haricots. Il n'a pas demandé une quelconque héritage ailleurs. Il n'a pas demandé ta valise. Vous pensez qu'ils ont voyagé avec les valises? La valise là, il est veste en Guinée. Apana, naviato, apana. Ah, ton compte à banque? Non. Élisée a grandi et il a compris que dans la vie, il faut rechercher les choses importantes. Écoute mon frère, dans ta vie il y a des choses clés. Quand tu touches ou tu opères dans la chose clé, les restes des problèmes sont résolus. Élisée comprend que pour l'instant là maintenant, c'est l'onction ou rien. Si tu vas partir au ciel avec ton manteau sawa wende, si tu vas laisser les habits, les champs, les maisons aux cousins, baba qui est nabio, mie. Onction. Est-ce que ton cœur est prêt à dire Seigneur, l'onction ou rien? Certains sont venus demander du travail. Quelqu'un va shifter et dire mankambo ya travail t'oulisa si kuingine. Ça y est, onction. Nataka upako, ça y est, upako. Je vous ai parlé au courant de la semaine. Il est écrit l'onction répond à tout. Si j'ai l'onction, j'ai plusieurs solutions. Et puis le jeune homme dit, je te prie, donne-moi la double portion de ton onction. Comment je vais te donner le double de ce que j'ai? Je vais prendre l'autre partie où le petit a déjà compris que avec Dieu, quand vous donnez une portion, le stock ne reste pas vide. Écoute-moi frère, quand Dieu te bénit, il ne reste pas dépourvu. Le stock est toujours rempli. Élisée a vécu ça avec la veuve de Sarepta. Vous vous rappelez, non? La farine et l'huile de la veuve. Il vient et dit, tu me fais le gâteau, je mange, après on verra. La veuve, après discussion, fait le gâteau avec l'huile et la farine. Et il donne à l'homme de Dieu. Maintenant, nous, on va manger quoi? Rentre, prépare pour toi. Elle rentre et la farine est toujours là. Élisée, est-ce que tu as appris cette histoire? Oui, j'ai appris la leçon. Donc, quand Dieu donne, on peut lui demander le double, le triple, il y en a toujours. Alléluia. Ce matin, tu veux demander le double, le triple, ça te regarde. Tout dépend de ta capacité de recevoir. Même si tu viens demander la moitié, on va te donner la moitié. Ou le 0,5. Élisée dit, je veux le double de l'onction qui est sur toi. Ok. Allons-y. Élie lui dit, si tu me vois partir. Effectivement, il est vu partir. Et il a déjà l'onction. Il arrive sur le Jourdain avec le manteau qui est tombé. Vous vous rappelez, regardez au chapitre 3 et suivant. Je passe comment? Quand nous sommes venus, le vieux a frappé ses manteaux sur l'eau, ça a ouvert, on est passé. Bon. Je lui ai demandé le double. Est-ce que ça a marché? Comment tu sauras? Il faut poser des actes. Je te dis déjà, en sortant de ce lieu, après que tu sois loin, hein, va poser des actes. Il pose les actes. Et il prend le même manteau et dit, où est le Dieu d'Élie? Frappe. Et constate que et l'onction fonctionne déjà. Il descend dedans. Il traverse. Les prophètes qui n'étaient pas attentifs. 50 prophètes, fils de prophètes. Oh, vit l'affaire. Et dit, ah, Elisa n'a fungu la machi. Ah, me beba ou pas, kouyou. Ah, me beba. Ana fungu la machi. Ah, me beba ou pas, kouyou. Ils sont venus pour dire, oh, on peut t'aider. Tu vois, ton maître a été enlevé. Nous pouvons t'aider à aller le chercher. Vous connaissez la réponse? Il a dit, laissez tomber, ne le cherchez pas. Je sais ce qui s'est passé. Bon, en fait, vous avez traîné. Moi, je viens d'avoir la double portion. Quelqu'un veut-il prier ce matin et dire, Seigneur, donne-moi ma portion de l'onction. Ou alors donne-moi ma double portion. Quelle est la capacité de réception de ton cœur, de ton esprit? Quels sont les défis de ta destinée? Vous savez, le besoin dont tu as, le besoin que tu as est proportionnel au travail qui t'attend. S'il y a une grande destinée devant toi, demande plus. Si ta destinée, c'est juste pour faire des petits kalangas à côté de la route, ok, tu n'as pas besoin de beaucoup d'onction, parce que ça, tu peux faire calmement. Mais si Dieu a fixé un grand objectif pour toi, demande beaucoup. Dites, Seigneur, où est-moi? Levons nos mains, on va prier ensemble. Est-ce que tu peux bien lever les mains devant Dieu? Seigneur Jésus, ce matin, tu as parlé à mon cœur. Je te remercie. Tu m'as parlé de l'onction. C'est point culminant. De pilier d'appui à mon établissement. Oh Dieu, je suis prêt à être établi. Et tu as fixé un but pour ma vie. Tu as fixé un but pour mon existence. Ce matin, mon Dieu, ce but que tu m'as assigné demande de l'onction. Là où tu m'as placé, je ne saurai pas par moi-même. Là où tu veux m'établir, c'est trop élevé pour moi. C'est pourquoi ce matin, je viens à toi pour te demander l'onction. Ouais-moi, de même que tu as ouais ton fils Jésus-Christ. Pour qu'il libère les captifs, pour qu'il ouvre les yeux des aveugles, pour qu'il guérisse, pour qu'il libère des jougs. De même que tu t'es engagé avec David, tu l'as oint et tu t'es engagé. De même que le jour de la Pentecôte, tu t'es engagé et tu as dit, voici la puissance qui accompagnera ceux qui auront cru. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce matin, je suis venu à table pour prendre ma part. C'est pourquoi je te prie, ouais-moi Seigneur. Commence à prier. Vas-y, demande ça, demande ça. Demande long, demande profond. Demande la portion qui te convient. Au nom de Jésus, quelqu'un prie le Seigneur. Que kamba yakoba la chanda. Que kayaba sako le bosila. Que namoshe balaganza. Quelqu'un demande l'onction. De que machanka. Tu ne dois pas rater cette occasion. Tu ne dois pas rater ce moment. Ce moment est précieux pour toi. Ne le rate pas, s'il te plaît. Je t'en prie, ne rate pas ce temps. Je t'en prie, ne rate pas ce moment. Tu dois avoir l'onction. Tu dois recevoir ton onction. Tu dois être ouin. Demande ta double portion selon la hauteur de ton appel. selon la hauteur de ta responsabilité, selon la hauteur du but divin sur ta vie. Demande, il est écrit, demandez, vous recevrez. Demande pour recevoir. N'informe pas Dieu. Tu es en train de demander pour prendre. Tu es à table. Prends. Quelqu'un prie long et profond. Quelqu'un prie avec foi. Vous recevrez une puissance et c'est maintenant. Dieu est en train de répandre son esprit dans cette salle. Oh, je vois cette nuée sur cette salle, dans cette maison. La gloire de Dieu est déjà là. Oh, que la gloire de Dieu est déjà là. Reçois ton onction. Il est venu essentiellement pour toi. Il est venu spécialement pour te oindre. Parce que ton objectif doit décoller. La propagation de l'évangile doit entrer en action, en œuvre. Il est venu pour toi. Si tu étais venu seul, il serait venu pour toi seul. Que Yamagaba chanta. Ole Koborazia. Ribaka de Keshilake. Banda Boka Rebache. Teke Rio Santa Labayaka. In the mighty name of Jesus. Benta Korebosha. Benda Bayagolia. Liko Pasheya. Quelqu'un prie le Seigneur. Demande pour toi.